Itabakoko, itabakoko, itabakoko, itabakoko, itabakoko, itabakoko, itabakoko, itabakoko, itabakoko masia waye itabakoko oh itabakoko tambo ayu itabakoko eh itabakoko tambo ayu eh tenda kwanani tenda kwanani we jobaba we tenda kwanani yo tenda kwanani we jobaba Jehovah Naïa, les Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer, prépare déjà un bon cantique pour une bonne louange. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Est-ce que vous pouvez dire bonjour, bonsoir à votre voisin? Est-ce que vous pouvez nous aider à saluer votre voisin? Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus? Amen. Béza mololo, mololo, mololo, mololo. Yeah, Yahweh Ranga. Et longue et salia yo, yo kuma malelo yo, Yahweh. Mon Dieu, mon roi, la victoire est appartient, je louerai tous les jours, Yahweh. Je louerai tous les jours, Yahweh. Allez, sois pas en avant. Allez, sois pas en arrière. Kichaka chaka. Kichaka chaka. Kichaka chaka. Kichaka chaka. Oto mama, Yesu to mama na yoe. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur des Seigneurs? Bien-aimés, nous voulons adorer le roi des rois. J'aimerais qu'un cœur reconnaissant envers Dieu élève sa voix ce soir pour lui dire: Père, tu es la couronne de ma vie. Tu es l'espoir de mes jours. Tu es ma paix quand je dors. Tu n'es comparable à personne, ô Père. Tes œuvres sont inimaginables. Je suis là ce soir, Père, parce que je reconnais que tu es celui qui est mon Père. Bien-aimé, tu peux prendre la position qui te convient. Si c'est à genoux, tu peux descendre à genoux. Si c'est debout, tu peux te tenir debout. Mais de façon que tu adores ton Dieu. J'adore parce qu'il mérite cette adoration. Il est le Saint des Saints. Aucun autre roi ne mérite notre adoration. Personne de ce monde mérite notre respect, mais ne mérite aucune adoration. Mon adoration reste pour toi, Père. T'élever en ce lieu éternel, Dieu de grâce. Nous t'élevons, toi qui vis d'éternité en éternité. Nous t'élevons, toi qui vis à jamais. Oh, toi le maître de temps, toi le maître des circonstances, toi qui règnes en tout lieu, en tout temps. Nous venons t'élever, t'adorer ce soir, Jésus. Nous élevons ton nom au plus haut de tout temps. Te glorifions, toi le maître par excellence. Oh Jésus, oh Jésus, nous bénissons ton nom, Seigneur, je le grâce. Nous voulons te lever. Seigneur, éternel, éternel, ton nom. le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Jusqu'au-dessus de tous les cieux, et tu remplis toutes choses, et tu remplis ces lieux, quoique ce ne soit pas humainement sensible, mais nous savons que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit par la foi. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Merci au pasteur Désiré à Maman Elvire. Accente quoi pasteur Piana Mama. Merci à l'équipe qui l'accompagne. Accente quoi Kikosi Yanina Washindikiza. Dans l'exercice de son ministère. Mio Galassisi Yautumeshiwake. Et en particulier, merci à l'équipe de louange pour le travail fantastique qu'ils font. Kwa pekee accente tena kwa wakwaya kwa kazi yenye wanafanya. Merci à vous tous, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Accente kwa nyinyi wote eti tunaweza shangilia Bwana. Et pour lui et pour nous-mêmes. Kwa ajili yake na kwa ajili yetu wenyewe. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Alors nous travaillons sur la postérité. Tunatumika kuhusu vizazi. Qui est une opportunité que Dieu s'offre. Yenye inakuwa fazili yenye Mungu anatuleta. Pour premièrement, ya kwanza, corriger kutengeneza les erreurs des pères. Makosa ya wababa. C'est ça que Dieu est venu faire avec Gédéon. Nous sommes dans Juges chapitre 6 où il dit va avec la force que tu as. Cette force est avant tout une force de correction des erreurs du père. Le père qui a installé Baal dans la famille et dans le pays. Baba mwenye alingisha tena Baali ndani ya inchi na ndani tena ya fasi. Nous avons vu que les ténèbres na tuliona giza ne vont pas à un endroit sans intérêt bien précis. Aende panafazi penye pana na faida ya muhimu. Ce n'est pas pour rien que c'est dans la famille de Joas qu'on est venu implanter l'hôtel de Baal. Aina kwa bule mjamaa ya Yoas kule walikuwa kuweka tena hiyo madhabahu ya Baali. C'est parce que le futur juge ou le futur président ou le futur leader d'Israël était de cette famille. Ni kwa ajili tu mwenye alipasha tena kukomboa hiyo inchi alikuwa ni wa hiyo jamaa. Amen. Amen. Et deuxième chose, lorsque tu as la force que Dieu te reconnaît. Na ya pili wakati unakuwa na nguvu yenye Mungu anakupatia. Après avoir corrigé, qu'est-ce que tu dois faire? Kisha kutengeneza nini utafanya? Rattraper kupata, le retard. Kukomboa muda. Amen. Amen. Le retard que muda yenye l'erreur du père a créé. Makosa ya baba ilipata kuzaa. Lorsque les pères commettent une erreur, wakati baba anafanya kosa, il y a des grands retards qui peuvent se créer. Kunakuwa muda yenye naweza kupotea. Et l'attitude face à ces retards, ce n'est pas la plainte de pourquoi nous souffrons et nous sommes en retard. Na ali mbele ya iyo kupoteza muda na kujiomboleza kwa nini tunakuwa nyuma wakati. Mais l'attitude, c'est de prendre les responsabilités. Ali ni kuchukua tu madaraka. Acceptant que les choses ont déjà été faites ainsi. Itikia kusema vitu vimesha kufanyishika. Mais la force que j'ai, lakini nguvu ninayo, et la personne appelée par Dieu que je suis, ya mutu mwenye anaitwa Mungu kile nakuwa, je peux être en mesure napasha kuwa kwa kipimo, de rattraper kwa kukomboa le retard. Iyo tena muda. Et la troisième chose, na kitu kia tatu, la force que tu as, nguvu yenye unakuwa nayo, elle est destinée à t'amener à dépasser les limites de tes pères. Inaitwa kukufikisha mkupita viwango na ma. Il y a une sagesse. D'ailleurs, il y a une sagesse qui dit si vous ne faites pas mieux que votre père, vous avez échoué. Na kuna hekima yenye nasema kama ufanye kema kuliko baba yako umeshindwa. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans le texte d'hier, Colossiens chapitre 1er. Tutarudia msomi wa jana wa Kolosia sura ya kwanza. Et nous allons lire ya tutasoma le verset 9. Verset yake ya 9. La Bible nous dit, Biblia inasema, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, asisi ni kwa maana tokea siku tulipata kujulishwa, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Atukomi kumuomba Mungu juu yenu. Amen. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous y ajoutons Éphésiens chapitre 1er. Prenez Éphésiens chapitre 1er. Et nous lisons à partir du 15e verset jusqu'au verset 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Ce n'est pas facile de traduire sans Swahili. Amen. Amina. Balashiki à tout. Ils ont bien entendu. Amen. Amen. La pauvreté d'une langue est due aussi au fait que ceux qui la parlent n'ont pas découvert beaucoup de choses. C'est ça le grand problème que nous avons avec nos langues. Le niveau d'une langue, c'est le niveau de découverte de ceux qui la parlent. À chaque fois qu'on découvre, on nomme ce qu'on a découvert. Si nos langues sont pauvres, c'est parce que nous découvrons peu. Votre langue est limitée à ce que vous avez découvert. Ça, ce n'est pas notre sujet. Mais retournons au moins à notre travail. Qu'est-ce que nous voulons mettre dans l'esprit d'un chacun de nous? Dieu est esprit. Son plan, son œuvre sont spirituels. Amen. Amina. Et Dieu a conçu son plan na Mungu alitunga mpango wake en tant qu'esprit kuwaro à un certain niveau de son intelligence. Muatua moya fulani ya akili yake. Et lorsqu'il amène son plan à nos esprits, na wakati anaweka mpango yake ndani ya mioyo yetu, nos esprits sont appelés à s'élever à la hauteur de son intelligence. Mioyo yetu inaitwa kuinuka juu ya akili yake pour comprendre ce plan-là iyo mipango comme lui le comprend. Kama vile yeye anayelewa. Amen. Amina. Chaque fois qu'il y aura erreur kila mara kutakuwa kosa de notre part ya upande wetu dans la compréhension du plan de Dieu, elewa mipango ya Mungu, erreur qui peut nous pousser à commettre un acte inapproprié, kosa yenye inaweza kutusukuma kutenda tendo yenye haielekei, Parmi les conséquences, katikati ya matokeo, il y aura une grande perte de temps. Kutakuwa kupoteza kubwa kwa wakati. Et surtout si l'erreur na inakuwa pia kosa est commise au niveau paternel, inapitikana kwa tua ya wazazi, au niveau de ceux qui exercent les responsabilités, kwa tua ya wenye wanatimiza ayo madaraka. Le retard basi nyuma ya wakati, et les tâtonnements na kushita shita, et les errances na makuwa ya waya, vont contaminer plusieurs, bitashika bitu nyingi zaidi, pas seulement celui qui a mal compris. Aina tu kwa ule alipata kuelewa mbaya. Si il a mal compris, kama alielewa mbaya, il dirige plusieurs, anaongoza wa wengi, il va créer des retards, ataleta nyuma ya dans les vies de plusieurs, mumaisha ya bantu mingi. Amen. Amina. Je le répète encore aujourd'hui. Narudiria tena leo. L'appartenance à Dieu kuelekea Mungu n'est pas la garantie suffisante contre la destruction. Aina kionesho yenye inatosha kwa ajili ya kuharibu. Dieu ne vous protège pas simplement parce que vous lui appartenez. Mungu asimikinge tu kwa ajili mnamuelekea. Amen. Amina. Il dit, anasema, mon peuple est détruit taifa yangu parce qu'il lui manque la kwa maana connaissance. Na ufahamu. C'est le peuple de qui est détruit? Taifa ya nani imepata le peuple de ni taifa Dieu. Ya il appartient à Dieu. Au anaelekea Mungu. Mais s'il est ignorant, lakini kama ni mwenye l'appartenance à Dieu kuelekea Mungu ne va pas empêcher à la destruction de les atteindre. Mungu kupata kuharibu. Amen. Amen. Toujours le même texte de Osée 4:6. Dieu met Mungu kaweka à notre esprit ndani ya roho yetu la loi de la solidarité des générations. Sheria ya mashikamano ya vizazi. Il dit, akasema, puisque tu as rejeté kwa sababu tu ulitupa la connaissance, ufahamu, qu'est-ce que je ferai? Nini tafanya? Je rejetterai aussi tes enfants. Watoto wako. Qui a rejeté la connaissance? Nani alitupa ufahamu? Le père. Baba. Mais le rejet va jusque où? Lakini kutupwa kunaenda mpaka wapi? Chez les enfants. Kwa watoto. Une question à se poser. Swali tunapasha kujiuliza. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Ni nini watoto walifanya? Pour qu'ils subissent. Kwa ajili wapate ile toki. Un rejet. Iyo kutupwa. Alors que ce sont les pères. Wakati ile ni wababa. Qui ont rejeté la connaissance. Wanye walitupa ufahamu. Amen. Amen. Dans la loi de la solidarité des générations. Mushiria ya mashikamano ya vizazi. La génération des pères. Kizazi kia wa baba. A la mission de préparer les fils. Inakuwa tu na kazi ya kutayarisha watoto. On est ensemble. Amina. La génération des pères. Kizazi kia wa baba. Introduit dans les fils. Kiko na wingisha kwa watoto. Les éléments utiles qui doivent permettre à Dieu de trouver dans les fils un état d'esprit favorable à son plan. Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il sera vieux. Il ne s'en détournera pas. Ça veut dire, ce que fera un vieux, c'est ce qu'on a mis en lui quand il est enfant. Et qui met ça? C'est son père. Ça veut dire chaque parent qui a un enfant en main, il n'a pas simplement entre ses mains le commencement de la destinée de cet enfant. Il a également la fin de la destinée de cet enfant. On s'entend. Donc on programme la fin au début. Kusema wanatangaza mwisho kwa njia mwanzo. Maintenant, quand vous prenez Osée, posez-vous la question. Dieu doit utiliser un enfant dont le père est ignorant des mathématiques. Le père a dit à son enfant, 1 plus 1 égale 1 et demi. Ok? C'est une ville. Le père a dit à son enfant, c'est moi ton père qui t'a dit ça, c'est comme ça. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça, il met dans la tête. Maintenant, pour que Dieu utilise un enfant, il a besoin d'avoir deux dans cet enfant-là quand on fait 1 plus 1. Quand il arrive chez cet enfant-là, il lui demande 1 plus 1 égale combien? Cet enfant va lui dire combien? 1 et demi. Vous ne voyez pas que Dieu risque de perdre du temps avec un tel enfant. Ça veut dire, les parents ignorants ont déjà piégé leurs enfants en leur communiquant l'ignorance. Et Dieu d'office, parce qu'il voit la même ignorance dans les pères comme dans les fils, il ne voit pas pourquoi il va utiliser ces fils-là. Pour qu'il les utilise, il vient pour créer la rupture entre la manière de voir du père et la manière de voir du fils. C'est pour ça qu'il dit à Gédéon, renverse cette histoire-là. Et il ajoute bien, qui est à ton père. C'est que si nos pères ont fait de mauvaises choses, nous devrions au moins les détruire. C'est une ville. Le père, faut pas seulement s'énerver parce que nous sommes pères. Ce n'est pas un défi d'autorité. C'est une correction pour rattraper le temps dans le retard causé par ces erreurs-là. Vous voyez, toi, moi, j'ai vu les soleils devant toi. N'est-ce pas ça? Et puis, t'as ce qu'il y a en arrière, parce que Toto va aller où? Vous, les enfants, n'est-ce pas? Nous allons commencer avec les enfants d'aujourd'hui. Vous, les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui sont les enfants des pères d'hier. Ce ne sont pas des. Ce sont nos enfants. Aujourd'hui, c'est nous qui. Ça veut dire, si nous voyons ce que nous appelons Batoto Baléo, les enfants d'aujourd'hui en train d'aller là où il ne faut pas, il ne faut pas se prendre sur Léo, il faut se plaindre sur notre incapacité à leur donner un programme qu'il fallait pour qu'ils résistent au vent d'aujourd'hui. Amen. Amen. Moi, je vis le soleil devant toi. Vois le soleil et comprendre le soleil. Il y a des choses différentes. Tu as déjà vu le soleil avant moi, mais tu n'as pas encore compris cela. Moi, je suis venu. J'ai vu après toi. J'ai au moins appris. Je l'ai aussi compris. Même si tu l'as vu avant moi, c'est moi qui pourra t'expliquer. Attends, Chariona joue en belle à Noé. Nani Aritosha malédiction. Mais qui a ôté la malédiction? Adam, ou ni Noé? Ou Noé? Qui est Noé? N'est-ce pas c'est Noé? Amen. Amen. Et si je voudrais nous amener à Panilpen d'Actupeleka dans les deux textes que nous venons de voir. Ce sont les prières de Paul. Nima ombia Paulo. Et je pense que si vous voulez une vie chrétienne efficace, avec une force qui donne des résultats, N'inventez pas de prières. Allez faire les prières que ceux qui ont servi Christ avant vous ont fait. Je me pose la question. Combien de fois et combien de personnes dans nos églises prennent le soin d'investir du temps dans la prière pour la compréhension de la volonté de Dieu selon sa sagesse à lui. La dernière fois, même pas la dernière fois, la fois où tu as pris le soin d'aller devant Dieu pour qu'il t'ouvre l'esprit et que tu comprennes son plan, c'est quand? Souvent nous utilisons la prière pour trouver les solutions aux problèmes sociaux, n'est-ce pas? Et nous l'utilisons souvent quand ça ne va pas. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait la force de Daniel? Ici, j'aimerais bien que nous puissions être équilibré et savoir que quand Daniel a des problèmes au travail avec les sorciers, les 120 qui lui ont tendu un piège, qui ont formé un complot, Daniel n'a jamais ouvert une prière spéciale. Daniel a jafungua maombi ya kijamii hapana. Prenez Daniel 6. Bébé Daniel Suraya Sita. Allons vers les versets 9 et 10. Vesi yake ya 9 mpaka 10. Si on peut kakome, donner ça. Daniel chapitre 6. Daniel sura 6. À partir du verset 10 à peu près. Vesi yake 9 à 10. Ya 9 mpaka 10. Amen. Amen. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Verset 10. Vesi yakumi. On peut lire. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, qu'est-ce qu'il a fait? Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois le jour. Il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça veut dire, avant que le complot ne puisse se former, Daniel avait un régime de prière de trois fois par jour. Il ne l'a pas changé parce qu'il y a eu des problèmes au travail. Une fois, comment ça t'est coupé dans le salaire? Comment est-ce que tu fais? N'est-ce pas, tu fais même de jeûne? On peut remonter au même chapitre 6. Amen. Qu'on lise à partir du premier verset. Chapitre 6 à partir du premier verset. Darius trouva bon d'établir Darius akaona ni kema kuweka sur le royaume combien? 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Verset 2. Il mit à leur tête akaweka juu ya kichwa kia trois chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les satrapes parce qu'il y avait en lui quoi? Un esprit supérieur. Il y a tout. Regardez, ce n'est pas l'esprit de Dieu là, c'est l'esprit de Daniel. L'esprit humain de Daniel, l'homme intérieur de Daniel, est monté à développer une supériorité qui a fait que vous amenez 120 personnes. Daniel excelle. Vous amenez trois chefs. Sur ces trois-là, Daniel est là. Il est au-dessus. Et même le roi ne vaut pas l'esprit de Daniel. La Bible dit, le roi voulait l'établir sur tout le royaume. En réalité, qui allait être roi? C'est Daniel. Qu'est-ce qui a fait que Daniel monte autant? C'est ce qu'on nous dit au chapitre 6, verset 10. Son régime au quotidien. Amen. Amina. Et si comprends-moi bien. Aponielewe mzuri. Apana kunyangula biu mashiku ba mwinji beko deja pa mulango. Faut pas se lever de faire quand il y a déjà des voleurs à la porte. Jasimo tatoka tumpompo. C'est par là que vous allez avoir des biceps. Bongo. C'est faux. Utachoka. Vous allez vous fatiguer. Batakupika. On va vous tabasser. Maungu apana kuivimbisha uinenepeshe na kula kila siku. Faut rendre votre corps au moins gras en mangeant tous les jours. Les muscles ne se développent pas en une journée. C'est un régime au quotidien qui te permettra de les développer. C'est là que l'apôtre Paul dit, exerce-toi à la piété. Et Dieu dit, par David, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Daniel est quelqu'un d'exercer. Lorsque le complot a été formé, Daniel a déjà pris plus de poids que le roi, plus de poids que les chefs, plus de poids que les 120 satrapes. Quand le complot a été formé, ça fait 120 satrapes, plus deux chefs, plus le roi, ça fait combien? 123 personnes. Mais si vous allez dans la balance spirituelle, Daniel pesait déjà plus que 123 personnes. C'est pour ça que ça ne lui a rien dit. Amen. Amen. Kama mambo inakupata, si le problème t'arrive, inakupata kama wali kani, ça te trouve dans quelle position? Muntu wako wa kiro eko mwatua, l'homme spirituel est à quel niveau? Amen. Amen. Quand est-ce que Daniel ouvre la prière de 21 jours? Wakati kani Daniel alifungua maombi ya masiku 21? Et pourquoi il ouvre cette prière-là? Quand vous allez vers le Daniel 9, l'ange vient dire à Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, une parole est sortie pour toi. C'est que Daniel prie pendant 21 jours, pas parce qu'il a des problèmes avec les gens, parce qu'il il veut comprendre. Des choses comme ça, vous ne les aimez pas. Alors, ce sont des choses qui nous amènent dans des hautes dimensions. Amen. Amen. Chikou, le jour Daniel mu fosse au lion, ba malaika. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Les anges. Mais quoi que panda manashuka. Et n'était pas mais en train Daniel de quoi mon prière. Mais le jour où Daniel était dans la prière. Comprendre bintu bia mu. Il a voulu comprendre le show de ma Dieu. Mouvement ba malaika. Alors un mouvement des anges a commencé à se faire. problème est tout ce que tourne avant tout mingi bosa ba Samson. Notre problème, nous avions des problèmes comme des Samson. Les gens qui aiment gérer des lions avec la force de l'onction. Il y a un lion qui l'utilise directement. Ça, c'est la puissance de l'onction, hein, Samson. Quelle est la vraie puissance de ton esprit, Samson? Tu es capable, avec l'onction, de détruire des milliers de Philistins. Mais quand on amène une sorcière des Philistins, Kamoya, qui te met genoux, il termine pour toi. Pourquoi? La force de l'onction, ce n'est pas la force de ton esprit. Ça, c'est la force de Dieu. Quel est le vrai poids de ton esprit? Si on te laisse l'esprit, ton esprit est à quel poids? Parole à la parole, moi, je suis poids, quoi, esprit. Quand il est en train de prier, c'est le Saint-Esprit. Quand on va dire Paoué, il va rester seul. Regardez Daniel. Pas avec un lion. Avec des lions. Toute la nuit. Ils ne l'ont pas au moins devant. Mais c'est le sud. Avec un lion là qui vient juste directement. Tu ne connais pas encore ta force. Amen. Amen. Job chapitre 36. Si on peut me donner Job chapitre 36, verset 12. Verset à qui kumnambili. Tout à l'heure, on va bien comprendre. Nous allons prier. Nous allons tout le faire. Ninga pe 36, hein? Oui. Non, oui, quand même les deux. Verset 2, 36, 2. Ou bien Wendeku, tu sais faire une recherche là-bas? Naweza kufanya kutafuta. Tant 6, là où c'est écrit Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. 36, 5, hein? Ok. Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Une Bible est nasema. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par quoi? Il est puissant par quoi? Lisons ça. Par la force de son intelligence. Ça veut dire, si tu vas en Dieu, tu lui poses la question. Il te dira. C'est dans mon intelligence. Alors toi, depuis que tu as cru à Dieu, comment est-ce que l'intelligence est en train de diminuer? C'est comme si tu es en train de tuer votre intelligence. Comment tu peux te raconter avec Dieu quand tu manques l'intelligence? Où est la force? Bible nous dit? Il est puissant par quoi? Par la force de son intelligence. Ça veut dire une intelligence qui n'est pas ouverte, c'est une destinée affaiblie. Si tu manques l'intelligence, tu n'as pas la force. Même pour se battre. Si tu manques l'intelligence, on va te tabasser même avec les coups. Dans toutes choses, c'est l'intelligence. Même pour jouer au football, quand les messieurs sont en train de dribbler, ils sont intelligents plus que les autres. Les cristianos, c'est quoi? Il est intelligent plus que ses adversaires. Et ça, tu fais qu'il règne. Il est n'a pas tu ne peux jamais régner si ton intelligence est encore petite. La Bible ne dit pas que la femme de prière bâtit sa maison. C'est quelle femme? La femme sage. Ça veut dire, si elle ne fait que prier, mais la sagesse est absente, la prière ne va rien bâtir. Maintenant, vous comprenez que Par manque d'intelligence parlant, on perd l'argent. La vie vient de se détruire. Juste par manque d'intelligence. Une personne maudite. C'est une personne qui ne prend pas de bonnes décisions. On a au moins affaibli son intelligence. Vous savez, maudire, hein? En hébreu, parmi les significations de maudire, il y a troué, perforé, kutobola. Ça veut dire, hein, quand on maudit une personne, c'est mundu, comme si on troue son esprit. Et quand une chose est trouée, ce qui est dedans va sortir, ce qui est dehors peut entrer. Amen. Amina. On s'entend bien. Première étape, tu ombe mbele la muka. Nous allons prier, après nous allons y revenir. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, je prie pour vous afin que Dieu vous donne quoi? Ephésiens 1:15, un esprit de révélation. Dans quoi? Dans sa connaissance. Mais malheureusement, l'esprit à révélation est machiku. L'esprit de révélation de Jésus. Ma connaissance, il y a ma numéro à c'est pour la connaissance des numéros d'autrui. Ma connaissance, il y a ma compte à la tout. Connaissance des comptes d'autrui. J'entre maintenant dans votre famille. Je vois un sorcier. Non. Tu ne peux pas voir d'autres choses. Hein? Waouh. La connaissance. Voyez que Jésus ne savait pas la sorcellerie. Il savait, il connaissait déjà qui existait déjà. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler Jésus entrer dans une famille? Non, voyez dans votre famille. Le sorcier c'est tel. Quand est-ce que vous avez entendu parler? Jésus est entré dans une famille. Et quitter et tous ces sites, c'est celui-ci qui est sorcier, c'est celui-ci. Je vais vous expliquer quelque chose. Il va vous montrer qui sont des modèles qui n'ont jamais existé dans la vie de Jésus. Les choses que tu regardes une personne, j'entends une voix. J.L. Il y a un ami, son nom c'est Jean-Louis. Voyez des choses que vous êtes en train de mener. C'est Jean-Louis. Ce sont des. Soit c'est la sauce. Où possédez Gadara? Le possédé de Gadara. Pourquoi ma démon il l'omba kasema ou toutou me attend mouille mon ferme mouille mouba. Pourquoi les démons ont demandé de l'air jeter même dans les ports? Les gens qui appartenaient à ces fermes, c'est eux qui avaient sauvé. Le principe normal de Jésus. On envoie les démons dans les lieux arides. N'est-ce pas? Mais là, les démons ont dit envoie-nous dans les pourceaux. Ça veut dire hein? Oui, c'est celui qui a sorcellé. Alors nous avions pris le port. Nous avions pris sa chance. On ne peut aller comme ça. Il faut aller avec ce qui nous appartient. Ah, wow. Là, il n'y a pas la sorcellerie. Est-ce que Jésus a parlé de cet homme? Les gens qui tombent en sorcellerie, c'est celle-là qui appartient à la femme. Combien de familles ont déjà sorcellé une personne pour trouver de l'argent? Jésus n'est pas venu pour quitter quelqu'un. Il est venu pour rendre libre celui qui est. Alors le transformer et la vie continue. La vie continue. Ah. Ça, c'est le cœur mauvais qui a l'âme. Avec ce cœur qui est mauvais. Oh, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Où est-ce que les aimes? Expliquez-moi. Nous connaissons moins Marie de Magdala. Pourquoi tout Marie de Magdala? Il faut pas pourquoi on n'a pas laissé Marie de Magdala? Il faudrait ajouter. De qui Jésus avait chassé cette démon? Qu'est-ce que ça fait? Ça va nous donner quoi? C'est comme on attaque quoi à Marie de Magdala? Alors s'il faut épouser Marie de Magdala. On aura bien des disciples. Alors tu dis aux disciples. Que je vais épouser cette femme. Identification. Quelle identification qu'ils vont te donner? C'est lui que Jésus avait chassé les démons. Une fois tu dis qu'il avait sept démons. Voyez ces choses d'exposer ma famille à bande. Le famille sans sagesse, sans intelligence du plan de Dieu. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs familles sont divisées. Les gens qui ont grandi ensemble, ils étaient en train de se défendre. Il devient grand. À cause de sa personne, lui qui manque l'intelligence, ces gens c'est se séparer. Nous devrions demander à qu'il Dieu nous donne un esprit à tout partir de révélation nous, dans sa connaissance connaître lui et faire ce qui lui appartient selon modèle selon son modèle. Prions Omba. Prie. Surtout toi. Oh, qui est appelé comme un prophète. Qu'on ne vous arrache pas des chemins. Tu es là en train de prier. En train de servir. Avec un cœur d'homme. Mais ils font ce qu'ils veulent. Et ne font pas le choix de Dieu. Avec l'esprit d'homme. On fait les choses de Dieu. Avec l'intelligence de Dieu, chaque paradalosa, avec l'amour de Dieu, prie. Prie que Dieu t'ouvre. Que Dieu te donne sa sagesse dans toutes les choses que vous êtes en train de faire. La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la vérité de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, rends-nous forts et puissants. Par la force de l'intelligence. La sagesse qui surpasse. Selon que la Bible déclare. Vu les Bibliens à ses mains. Si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous sommes venus la chercher. La sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut. L'esprit de sagesse. L'esprit d'intelligence. L'esprit de conseil. L'esprit de puissance. L'esprit de force. L'esprit de crainte. Prie. Donne-nous l'intelligence pour ton plan. Et parti à quel l'esprit de sagesse. Seigneur, aide-moi. Donne-moi un esprit de révélation dans ta connaissance. Prie. Jésus, Esprit de Dieu règne. Roya Mungu Tawala. Esprit de Jésus règne. Roya Christo Tawala. Esprit de sagesse. Roya Ekima. Esprit d'intelligence. Roya Akili. Oh, l'esprit de force. Eh ouais, Roya Nguvu. Acclamer le Seigneur. Unaweza kushangilia Bwana. Et tu vas t'asseoir. Na utaweza kuketi. Vous savez, dans le domaine de la révélation, unajua hatua ya ufunuo, lorsque tu mets une révélation en surface, wakati unaweka ufunuo mbele yako, tu dois te rassurer que tu es capable de gérer les conséquences. Unapasha kujihakikisha kusema unaweza tena kuchunga matokeo. Jésus lui connaissait bien ces gens. Pourquoi il a révélé Judas seulement à la troisième année, pas le bégon en courir? Quand Marie Moussemaka Kumwanjo, Pierre allait na omukata kichu. S'il allait parler dès le commencement, Pierre lui allait couper la tête. Vous comprenez? Imaginez-vous les jours où Pierre a dit tocha épée. Imaginez ce jour-là, Pierre a ouvert l'épée. C'est quand Jésus avait dit à Judas, mon ami, ce que tu as à faire, hein? Fais-le. Judas n'a toka. Judas est sorti. Anenda kuleta bale bandu. Il est allé amener les ce gens-là. Comme Pierre a dit quoi kumpembe. Judas quoi kumpembe ni amalchus. Si Judas est Pierre a dit au fond. Qu'est-ce que Pierre allait lui faire? Non. Et Jésus a démontré sa capacité à maîtriser. Na Yesu alionyesha tena uwezaji wake kwa kuchunga ile mambo. Bana kata rishikio, qu'est-ce qu'il a il fait? Il a coupé l'oreille, Yesu akafanya nini? Analokota. Il a ramassé. Analurisha. Il a encore remis à la place. Oui, bantu bana katana. Toi, il y a les gens qui se divisent à cause de ta révélation. Est-ce qu'il a déjà réconcilié? Butamu pa wa kutosha révélation, mais il y a que ce sentiment de donner de révélation. Capable de gérer ce que la révélation va créer. Kushindwa kuchunga nini hiyo funue naweza kuleta. Kisha kilti nesha wao nenda. Après le kilti toi tu pas. Ma famille na bakia divisée. Alors il y a des familles qui restent. Kanisa kabakia kiko na samba. L'église reste en paix. Toi tu pas. Parce que tu voulais waone que. Comment on peut dire que tu avais vu. Mungu akurumie. Que Dieu te pardonne. C'est la question que moi je suis en train de poser. Il est modèle, mon aïto chaka. Quel genre de modèle? Wapi? Où est-ce que vous le trouvez? Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Qui est le premier roi d'Israël? Ni nani mfalme wa kwanza wa Israeli? Saül. Saül. N'est-ce pas? C'est une ville. Il est de quelle tribu? Yeye ni wa kizazi kani? De Benjamin. Kizazi kia Benjamin. Quelle est la tribu royale? Ni kizazi kani kinaelekea ufalme? Juda. Ni kizazi kia wa Yuda. Qu'est-ce qui fait que ni nini inafanya? Le jour où on met Saül sur le trône, Juda ne comprend rien. Yuda asielewe kitu. En principe, un enfant normal de Juda devait dire, hein, à papa n'a bien. Ici, il y a des choses qui ne vont pas bien. La personne qu'on donne ici, ana wa kizazi ya Yuda, il ne fait pas partie de la tribu de Juda. La patronne Dieu, comment est-ce qu'il va se mettre les problèmes que nous avions ici? Ah. Voyez au moins. Oh, y a pas hasard à ville, hein? On n'avait jamais eu à réfléchir ainsi. Vous savez ce qui nous empêche de vivre le plan de Dieu? C'est le fait que nous avons les yeux dans le monde et nous voulons que Dieu fasse son plan selon ce que nous nous voyons à partir du monde. Vous comprenez? Donne-moi Romains chapitre 12 à partir du premier verset. Wa Roma sura 12 kwanja vesi ya kwanja. Amen. Amen. Na maombi na mafundisho byote biko kwako. Et la prière et les enseignements on avance avec. La Bible dit? Biblia nasema. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte comment? Raisonnable, ça veut dire s'il n'y a pas de raison pendant que tu fais ton culte, tu es en dehors. Et on offre quoi? Le corps comme un sacrifice. Quand on fait un sacrifice, l'animal mourait, on tuait. Le corps ici, c'est lui qui nous met en contact avec le monde environnant. Si tu le tues, tu vas te déconnecter du monde et entrer en connexion avec l'intelligence de Dieu. Deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, si j'ai déjà tué mon corps, je l'ai retiré du contrôle de ce siècle, c'est là que je veux être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se discerne avant qu'elle ne soit appliquée. Et pour que tu la discernes, ton corps doit être sacrifié, déconnecté à la puissance du siècle présent. Que je vous donne l'exemple. C'est bon, on a TV quoi, non? N'est-ce pas, vous avez des TV à la maison? La télécommande. Et des télécommandes aussi. Comment? Si. On a vigné par télécommande, puis on a dit on. Vous appuyez au télécommande là, on écrit on. TV, il n'a pas gagné. Alors votre télé fait comment? Je n'en vois qu'un. N'est-ce pas, ça s'allume? Ok. Oui. Ça comment taille les TV? Alors prenez encore cette télé. Chomona est au courant. Débranchez ça. Qui savait votre télécommande? Alors prenez encore votre télécommande. Vigna pas on. Appuyez sur on. Itawakaka. Est-ce que ça va s'allumer? Vous avez coupé la télécommande de Chine. Vous pouvez même jeter cette télécommande par terre. On a changé dans ma pile. Changez même des piles. On a vu qu'il y a ça, ça y a lithium. Oh, c'est de lithium, ce qui est un peu nouveau. TV ta foi nini. Votre télévision ne doit pas. Pourquoi? S'allumer du anini. Il faut débrancher. C'est déjà débranché. Si tu te déconnectes. Ou tu de l'alimentation électrique de ce monde, le prince de ce monde peut appuyer sur la tentation, ça ne te fera rien. J'avance petit à petit pour que nous puissions entrer dans notre prière de deuxième étape. 1 Samuel chapitre 8. Samuel wa kwanja sura yamnane. Verset 5. Verset yatano. Et puis de 19 à 20. 1 Samuel 8. Samuel wa kwanja sura yamnane. Tout ce matin de 5, 6 à 7. Qui cherche ta somme de 19 à 20. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Vous voyez ça? Établis sur nous un roi. Ce n'est pas un problème. Mais c'est quel modèle? Comme il y en a chez les autres nations. Ça veut dire Israël est connecté au siècle présent aux nations qui l'environnent. C'est le modèle des nations qui l'amène à aller chercher un roi chez Dieu. Les choses dont tu demandes à Dieu, Uribio na wapi? D'où est-ce que tu les avais vues? Est-ce dans la parole de Dieu? Soit c'est dans le monde, cependant tu es allé demander à Dieu. Est-ce que je peux vous donner un secret de la prière? Il n'entre dans les oreilles de Dieu que les paroles qui sont sorties de sa bouche. Si tu cherches que Dieu puisse t'écouter, ne lui donne pas tes propres paroles. Donne-lui ses propres paroles. Voyez ce qu'Israël a commencé. Il les avait ramassés dans les gens qui les entouraient. Alors il regardait en disant que ces gens sont bien vraiment. Ils ont leur roi. C'est vraiment merveilleux. Alors, ils ont regardé Samuel et tu es devenu tellement vieux. Alors, les enfants de Samuel ne se conduisaient pas bien. Alors, ils se disent que voici l'occasion. Donne-nous aussi un homme comme les autres. Oui. Que moi je deviens comme les autres. C'est ça, non? Tu ne peux jamais devenir comme tout le monde. Tu es toi. Et tu resteras tel que tu es. Et voyez. Dans le presse où Dieu t'avait au moins mis, il avait au moins brûlé ça. C'est-à-dire, Dieu est toujours avec toi. Si toi tu n'es pas là, il n'y aura personne qui sera comme toi. Même ton homo ne sera jamais comme toi. Alors tu dois être jaloux de ce que tu es. Et que tu apprennes à célébrer qui tu es. Amen. Amina. Voyez les choses qui ont commencé ici. C'est par là provient l'homme de Goliath. À mon moment, on ne l'avait pas vu. Mais n'est-ce pas, il vient ces problèmes. N'est-ce pas? C'est une ville. Ils ont demandé un roi. À un moment, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette. Aina weye wana tupa. C'est moi. Ni miye. Mais je veux leur donner le roi qu'ils ont demandé. Wapa mufalme wenye wana omba. Amen. Amina. C'est là que je vous dis, ni pale ni rimyombia, il faut avoir le discernement du plan de Dieu. Ina omba kuwa na chunguzo ya mpango ya Mungu. Mungu anaweza kukupa kitu mais ana nawe d'accord. Dieu peut te donner quelque chose mais n'est pas d'accord avec toi. Dieu dit lui-même, Mungu anasema mwenyewe, c'est moi qu'il rejette. Mais je veux leur donner le roi qu'il demande. Attention, faites attention. Tout ce que Dieu te donne, il ne te donne pas parce qu'il veut donner. Il peut te donner parce que toi tu as insisté. Dieu. Non, j'ai tellement demandé à Dieu. Témoignage. J'ai au moins un témoignage. Fils prodigue. Toto mpotevo. Baba qui a remonté, que Dieu a répandu comme son père lui avait donné parce qu'il le voulait. Baba qui a remonté, que Dieu a mu géré. Soit son père lui avait donné juste pour lui laisser faire. On en apprend que seulement la Bible est bio. Voyez, faut pas lire la Bible en feuilletant seulement. Où les baba chez toi quoi que bien. Le père il était là chez lui. Alors le fils est venu. Il a juste provoqué testament pendant que Baba le testament pendant que le père était encore en vie. Quand est-ce qu'on fait le partage des biens? Wakati gani tunaweza kugawanya mema? Normalement c'est après la mort. Vile na pasha kisha kifo ya baba. Ça veut dire ni kusema, où le baba n'angara sema. Le père quand il a vu que mutoto, c'est en face en quoi kunyua. Il vient me tuer. Quand il dit, donne-moi la part de mes biens qui me revient pendant que le Père est en vie. Ça veut dire hein, que le Père a compris que où peux-tu avec cet enfant oh, il vient pour me tuer. Mais alors moi je vais lui tuer avant qu'il me tue. Alors, parabole, nani ari kufa avant? Cette parabole, qui était mort avant? Chine mototo. N'est-ce pas, c'est l'enfant? Parce que Bible n'a sema. Parce que la Bible dit. Voici mon fils ici. Tazama mtoto wangu. Qui était mort. Mwenye alikufa. Il est revenu. Yoyo anarudia. À la vie. Muzima. Ça veut dire où le baba? Nikuse c'est papa. Kiriso la lufu ki na musukumia yo jiki na asema. Il a épargné la mort, il a poussé sa sortie. Ya kufu embele ayo kufu alini. Qu'il meurt d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a donné ce qu'il a demandé. Il a rilomba. Est-ce qu'il lui avait donné de bonne foi? Na romzuri. Je ne veux pas que Dieu puisse me donner une chose. Parce que c'est moi qui suis en train de chercher et rechercher. Apana. Je sais ce que Dieu me donne. La chose qu'il a prévue. Ma promesse. Dans ses promesses. Tu sais, quand tu es acharné à vouloir avoir quelque chose, on peut te donner ce qu'il ne faut pas. Tu vas prendre. Ils ont tellement cherché le roi. On leur donne un enfant de Benjamin. Personne ne remarque que ce n'est pas un enfant de Juda. Ils ont pris. Oui. Vous comprenez? Si il n'y a pas d'intelligence du plan de Dieu, mon pasteur a toujours dit, il faut faire attention. Dieu peut te promettre un stylo. Le diable t'offre un crayon. Parce que toi tu cherchais seulement à écrire. Il faut il faut que j'écris. Le diable t'a porté le crayon. Vous prenez. Or il ne t'a pas donné votre gomme. Il sait que une fois écrit, il va effacer. Comme tes problèmes. C'était seulement écrit. Il va te laisser écrire. Et après il va effacer. Combien de gens aujourd'hui ont une vie toujours recommencée? Tu as fait des choses, tu dois encore les refaire parce que ce que tu as fait là n'a pas duré. Ça ne dure pas pourquoi? Ce n'est pas dans la promesse de Dieu, ce sont tes convoitises à toi. C'est ce qui a poussé ces choses. Et quand on vous donne Saül, le jour où Goliath viendra, vous risquez de faire 960 heures de journée. Une journée, c'est combien d'heures? 24 heures. Mais attention, une journée peut se prolonger à 960. La journée, ce n'est pas simplement le temps. La journée, c'est aussi les événements pendant le temps là de 24 heures. Si le même événement traîne jusqu'à demain, ta journée a eu 48 heures. Si ça arrive jusqu'à après demain, ta journée a 62 heures. Il y a des gens, il est mambo pas kayo ne kalaka nayo maisha yake kisha kujamia kapa ile mambo alipata tellement traîné à ses problèmes. Saül a donné à Israël une journée de 960 heures pendant 40 jours. Goliath les insultait. Il vivait la même chose que le premier jour où Goliath les insultait. Ta vie est sur quelle journée? Voyez qu'il faut avoir l'intelligence avec les choses. Maintenant, je voudrais terminer pour prier. Aussi, qu'est-ce qui a fait que Dieu n'a pas donné un homme de Juda directement? Suivez-moi attentivement, connais l'intelligence de choses de Dieu. Quand vous lisez psaume 89, mon ipatie quoi à partir à 19. Nous allons lire. Psaume 89 à partir de 19. Nous allons lire, après nous allons prier. La Bible dit. Bien assez. Alors, à la fou, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté secours à un héros, j'ai élevé du milieu d'eux, du milieu du peuple un jeune homme. Le verset suivant, j'ai trouvé David qui parle Dieu. Il est le créateur. Hein? Pourquoi il ne dit pas j'ai créé David? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai trouvé. Ah. Oh. Dieu peut t'avoir créé. Est-ce qu'il peut te trouver dans son plan? Ça veut dire, quand Dieu regarde à Juda, pendant que le peuple réclame un roi, il voit qu'il n'y a personne qui a la carrure d'un héros. Parce qu'il dit, j'ai prêté secours à un héros. Il n'a pas dit j'ai formé un héros, j'ai prêté secours à un héros. Ça veut dire ce héros là a été formé. Quand j'ai vu qu'on l'a formé, je viens lui prêter secours. Donc je cherchais à Juda quelqu'un qui a un profil héroïque. Comme je ne l'ai pas vu, je mets d'abord quelqu'un de Benjamin. Que je t'ouvre quelque chose. C'est que mon maïsha yako. C'est-à-dire dans votre vie. Kama auyafika pabu héros. Si vous n'êtes pas encore arrivé à la place d'héros. Utanza kuishi maisha ya mwingine. Tu pourras vivre la vie qui ne t'appartient pas. Utaishi maisha ya mapromesi ya Mungu. Tu ne vivras jamais la vie des promesses de Dieu. Gideon, on l'a appelé comment? Gideon walimuita nani? Vaillant. Moussoudia. Héros. Mukubwa. Et qu'est-ce que Gideon cherchait? Nini Gideon el tafu? À entrer dans les promesses de Dieu. Il réclamait à Dieu. Où sont les prodiges que nous ont racontés nos pères? Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si tu ne connais pas conduire votre véhicule, si même si ça t'appartient, on va vous donner un chauffeur. Vous êtes là en train de mettre même l'équerre, mais tu n'as pas le volant. C'est le chauffeur qui est en train de conduire. Avant de quitter chez vous, il faut qu'il y ait le chauffeur. Pourquoi? Il y a la petitesse. Tu ne sais pas encore conduire. Si tu n'es pas encore devenu grand dans les choses de Dieu, tu peux mener que la vie que Dieu n'a pas prévue. Jusqu'à ce que tu vas prouver à Dieu que tu es fort, que tu es capable. Amen. Amina. Alors je vais terminer par là. Qui a formé David? Nani alitunga Daudi? Pasteur, j'ai lu la Bible. Pasteur, nous lisons la Bible. Le jour où Dieu doit oindre David. En remplacement de Saül. Quand il y a combo à Saül. Il n'a jamais dit. Asidia sema kamwe. À Samuel. Quoi Samuel? Va chercher David. Wende utafute Daudi. Qu'est-ce qu'il a dit? Akasema nini? Va dans la maison enda mu nyumba d'Isaïe. Ya Isaïe. Ça veut dire nikusema unaona kukwenu kuna chambula. Voyez là, je vois que vous êtes en train d'insister. Tu coule Mungu alikonea kaweye. Dieu t'avait vu avant où que uko wake. Avant que tu ne saches que tu lui appartenais. Même l'apôtre Paul dit. Atamtume Paul la sema. Il l'a plu. À celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, l'apostolat de Paul. Pour Paul, ça commence quand Dieu l'appelle. Mais pour Dieu, c'est quand il est dans le sein maternel que Dieu le met à part. Maintenant, tes parents là, que toi tu méprises, ils ont déjà participé à ta mise à part en tant qu'enfant de Dieu. Prophétiquement. Alors aujourd'hui, tu commences à insulter chez vous. D'où est-ce que Dieu t'avait vu? Est-ce que tu connais Mouyesou? Il ne t'avait pas vu au travers de Jésus. Il t'avait vu à travers tes parents. Et il t'a mis à part à partir du ventre de ta mère. faut jamais jouer avec chez vous. Ne joue jamais. Akumuita Samuel asema, il a parlé David. Apportez-moi David, non. Anamwambi asema, il a dit, va dans la maison d'Isaïe. Ça veut dire, c'est-à-dire, si je lui dis le nom, il va lui prendre, il va lui prendre. Il a l'intelligence qu'il ferait. Ramène-lui à la maison. Ah, wow. Ah, on a déjà comprendre bien ça. Commencez maintenant à me comprendre. Faut pas lire la Bible en feuilletant seulement. Faut pas juste sans effet, ça égale la même. Non, assieds-toi là. C'est ça. On y a tenu ici et parlé. Laisse-moi terminer par là. Kuba David. Chez David. A quoi que quoi bien Dieu à David. C'était pas vraiment plaisible pour David. Où est-ce que tu plaindrais quoi? Toi qui te plains pour chez vous. Mon curriculum vitae à que David a nassé manin. Alors, téméraire qu'il était, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le lion prenait une brebis, j'arrachais la brebis. Et s'il se dressait contre moi, je le déchirais. Ok? C'est une ville. Où tu commandes à Simba, où tu auras un mancoucha comme un. Si tu te bats avec un lion, tu ne peux pas rentrer avec les griffes. Est-ce que tu vas rentrer tel que tu étais? Tu t'allouris à la madame. N'est-ce pas, il y aura des sangs. Les habits déchirés. David, alors, quoi, David lui, il était le dernier chez lui. Le jour où il rentre, c'est quoi, il arrive, avec les habits déchirés et les griffes du lion ou de l'ours, il dit à papa, aujourd'hui, aujourd'hui, on a failli manger. Regardez tel qu'on m'a fait. Papa Isaïe n'a pas fait. Il devrait faire quoi? Yo. Yo. Quand vous avez vu sa ville Jacob, dans Benjamin, à part faut pas le laisser. Papa Isaïe, non, papa Isaïe, regardez. Kanaume. Non. Louri Athéna. Rentre encore. Aïe, aïe, aïe. Oui. Toi. Ma tête, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train d'insulter. Mais c'est ce qui est en train de te former. Quand Dieu dit, va dans la maison d'Isaïe, en fait, il a dit à Samuel, l'homme qui a coaché le roi, l'homme qui a rendu David héros, en le mettant dans des conditions de souffrance, il s'appelle Isaïe. Va chez lui, c'est le meilleur des coachs. Il m'a déçu, on a déçu à quoi nuit. Ah, les souffrances que tu as coachées, c'est ce qui a été coaché. Il a été donné à l'éongar. Et aujourd'hui tu vis. Va avec la force que tu as. Dieu de gloire, va avec la force que tu as. Tiens-toi debout, tu vas bénir chez vous. Et tu vas dire merci à Dieu pour toutes les souffrances endurées chez vous. Ça t'a formé. Jésus. Oh, ma. Dis merci à Dieu. C'est ma santé quoi, pour toutes les souffrances. Oh, ma désoyot. Que tu as pu connaître chez vous. Dis merci à Dieu. Pour la formation militaire. Quoi de la pauvreté de chez vous. Dis merci à Dieu. C'est ma santé quoi, pour les difficultés. Quoi qui ont forgé l'homme que tu es aujourd'hui. Dis merci à Dieu. C'est ma accent comme on. Bénis ta famille. Oh, bariki Jama. Bénis Isaïe. Bariki Isaïe. Bénis tous ceux bariki wale qui t'ont fait souffrir. Wale kuteswa. Oh, Jésus l'a dit. Yesu alisema. Bénissez. Bariki eni. Ceux qui vous maudissent. Wale wana milani. Faites du bien. Utende mema. À ceux qui vous font du mal. Kwa wende wana mtenda mafai. Voilà la force de héros. Ni ile nguvu. Voilà la force de héros. Ona nguvu ya msucha. Ah. Oh. Merci souffrance. Donnez-moi Esaïe 52. À partir du premier verset, tout en haut, à parler, pasteur en Afrique, à mon patron, à micro, à tout. À partir du premier verset, nous allons prier par là et je vais remettre le micro. Ça, il faut y caler parfois chez Jacob. Alors tu dois te mettre à ta place. Vous la comprendrez. Vous comprenez en moi. Souffrance, hein? Yote, akoué, nous, biote, blou, toute la souffrance, biote. Tout ce que vous avez vu, ça. Dit coucou, oui. Ça t'avait pas tué. Quoi la conformer? Dieu est en train de se former. Qu'est-ce que la Bible dit? Bible Sony. Réveille-toi. Amuka. Réveille-toi. Amuka. Réveille ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte. Jérusalem, car il n'entrera plus chez toi. Ni incirconcis. Ni impur. Deuxième verset. Verset couille ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Ça veut dire. Il cala parfois chez. Mets-toi à ta place. Tu diras à Dieu, place ma vie à la place de tes promesses. Que j'y sois là-bas. Prions dans le nom de Jésus. Le reste des choses, ça sera pour demain. Prions au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que Dieu place ta vie à la place de ses promesses. Qu'il place ta vie à la place de tes promesses. Mais j'aimerais comprendre pour quelque chose. Natamani tombe et que tu moches pour deux choses. La première, ya kwanza, dis au Seigneur, sema kwa Bwana, partout je suis passé dans ma vie, fasi yote niliweza pita maishani yangu, ces gens-là ont coaché ma vie quelque part, awa watu waliweza kutumikisha maisha yangu fasti fulani. Tu as utilisé plusieurs coachs dans ta vie. Uliweza kutumia wasaidizi wingi ndani ya maisha yako. Tu pensais que tu te plaignais pour la souffrance. Ulizania kujitompolea kwa ajili ya mateso. Regardez David. Tazama tena Daudi. C'est après qu'il a réalisé. Nikisha kutambua. Que son père. Kusema baba yake. Était nécessaire. Halikuwa na mahana. Pour qu'il arrive sur le trône. Juu afike tena pa kiti ya enzi. Alléluia. Amina. Tes souffrances parfois mateso yako mara nyingine sont nécessaires inakuwa ni ya mahana tu pour atteindre ton trône juu ufike pa kichi yako ya hensi. D'ailleurs la Bible dit Biblia nasema nous les gens affliction du temps présent inakuwa tama uniko ya nyakati ya sasa produisent en nous au-delà de toute mesure inatoa ndani yetu kuzidia yote un poids éternel de gloire. Uzito wa milele ya utukufu. Donc, vous avez des légères souffrances. Kuna kuya tena mateso ya chini. Qui donne un poids. Yenye inaleta tena uzito. Mathématiquement parlant. Mukuesabia. Pour que ces légères, les petites donnent un poids, il faut que soit un grand nombre. Juya ile ipate kuleta uzito inabidi kwe kwa wingi. Il faut que leur somme fasse un grand nombre. Inabidi kelele yao ifanye tena kwa wingi. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Napenda uombe Bwana. Il nous est arrivé de maudire nos chefs. Alipenda tena tu arrivé de maudire nos rois. Kulaani tena wafalme. Kulaani tena wazazi. Inakuwa wakubwa. Aujourd'hui. Sasa leo. C'est que nous sommes. Yenye tunakuwa. Awa watu waliweza kutusaidia kwa ajili ya hiyo hata mkanisa uliweza kulaini wale wakubwa uliweza kulaini mchungaji fasi moja juu Samuel ya kupati ilibidi hawa watu wakuepo. Napenda uombe Bwana muda mfupi. Sema Bwana asante. Asante kwa ajili ya baba yako. Merci pour mes kwa wakubwa kwa wale wanakuya wakubwa na wabariki na wachilia kwa nema yako kujina la Yesu nyanyua sauti yako merci Seigneur merci pour mes prie comme nous a lu dans le psaume 52. Réveille-toi de ta parure et assieds-toi sur ton séant. Upatete na kuikala pa fashi yako. Dis au Seigneur. Semana buana. Toutes les peines que j'ai eues dans ma vie. Yote aiko inakuwa ndani ya maisha yangu. Qu'elle ne soit pas pour rien. Isikuwe kwa bure. Qu'elle me fasse assis sur la bonne place. Ipate kunikarisha pa fazi mzuri. Je refuse de souffrir pour rien. Nakatala kutesekwa kwa bure. Aujourd'hui là. Tioni ya leo. Natangaza. Que toutes mes souffrances passées. Mateso yangu ikapita. Ipate kunipeleka niketi. Pa fazi mzuri. Yenye uliweza kunichukia. Nyanyua sauti yako uanze kubariki Bwana. Haukuteseke kwa bure. Atukulie kwa bure. Sante Dioni aleo Bwana. Donnons une intelligence spirituelle. Kutupatia akili tena ya kiroho. Pour comprendre ces choses. Kwa ajili tuelewe vitu hivi. Et de changer notre façon de penser. Na kubadilisha mahali yetu ya kuwaza. Et donc notre façon de parler. Utupatia lingine ya kusema. Et donc notre façon de marcher. Utupatia tena lingine ya kutembea. Merci pour la parole de ce soir. Asante kwa neno ya Dioni. Merci pour ton serviteur. Asante kwa mtumishi wako. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza kuchapa kofi kwa ajili ya Bwana. Nous donnons nos offrandes. Tunaleta sadaka yetu. Avant de nous séparer, mbele ya kuachana, n'oublions pas que demain c'est vendredi, c'est un jour de prière. Sabu ya kusema kesho na kwa ni siku ya maombi. Et nous préparons à suffisamment de temps pour prier. Na tunajitayarisha kuwa na wakati nyingi kwa ajili ya kuomba. Donne nos offrandes pendant que la chorale nous accompagne. Tunaleta sadaka na kwaya na tusindikiza. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de la fidélité, de la fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Seigneur, nous bénissons ces offrandes ce soir. Tu n'as pas qui masadaka yotioni. Et nous bénissons ton peuple qui a offert. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de notre culte, nous voulons que ta grâce nous accompagne jusque dans nos maisons. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen en acclamant ta parole. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. À demain à 16h30. Si tu es fait pour moi, j'ai proclamé. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, Jésus, vraiment tu m'as aidé.